farage. No clash, just music. On passe nos vies à s'en fumer, si tu as l'alcool. On s'aperçoit souvent trop tard des avantages d'aller à l'école. On se ressemble bizarrement, les mêmes erreurs commises au même moment. Tu prends les mêmes et recommences. Certains de nos frères rentrent et sortent, et rares sont ceux qui s'en sortent. On n'est pas axé avec la rue en quelque sorte. Les jours passent et ce quotidien est cyclique. Et pour tenir le coup, les frères finissent dopés comme un cycliste. Faut qu'on s'en sorte sans la promo de cynique. Le rap est bien vivant, mais mon frère il est en clinique. J'aurais pu vendre la cesse, mais j'ai vendu le disque. J'aime trop la liberté, je veux pas finir comme le dire. Je me sens léger car j'ai les poches vides. Je me lève tous les matins avec la haine. Mon seul bonheur c'est mon fils. Gros c'est la guerre, faut que tu regardes autour de toi. Faut qu'on ramène le liquide et qu'on le planque sous le toit. Des fois on sort la tête de l'eau, des fois on se retrouve en chien. Des fois la vie est belle mais pas souvent. Pour les miennes c'est mainstream, mes farages. Néo clash mec, et rien à foutre. On écarte les barreaux de la cage. Éternel recommencement, gros c'est nos vies. Sauf que notre roue est carrée, ne tourne pas. Par ici, tous les jours, c'est la même. On a la haine, le disque dur est cramé, la survie dans les chaînes. Chaque fois, on repart de zéro. Nous suffit d'un chasse, une quête plat du cello. 9-2, c'est pas le numéro. Gagnons la bonne compilation, nous transformons en zombies. On est dans Zion à la masse comme Willy Sagnol. Y'a des lits de sale gueule, je rappe à proximité du cercueil. Mon pouvoir d'achat est trop limité. Je prends l'unité entre frères du nord au sud. Je te rose, tu fais des menaces de mort aux bitume, c'est morose. On veut des putains, des bolos qui payent qu'à chaque nuit on noircit des pages. Y'a ceux qui te laissent en l'air car y'a ceux qui dépannent. Y'a ceux qui sont chauds pour se pétale, y'a ceux qui détalent. Le métal est précieux, pas de pédale, des messieurs. Rien n'a changé depuis l'époque, on fourquait des xeux. Comme chaque matin on réveille ses gueules de bois. 10 ans putain, toujours pas de putes qui veulent de moi. On sort la tête de l'eau, des fois on se retrouve en chien. Des fois la vie est belle mais pas souvent. Pour les miennes c'est mainstream, mes farages. Néo clash mec, et rien à foutre, on écarte les barreaux de la cage. Éternel recommencement, gros c'est nos vies. Sauf que notre roue est carrée, ne tourne pas par ici. Tous les jours c'est la même. On a la haine, le disque dur est cramé, la survie dans les chaînes. Si je venais à quitter ce bas monde, qu'aurais-je appris? A trop de city et le diable, on finit par céder à ses caprices. Ici, pas la chair humaine, ce monnaie y'a pas pris. Y'a qu'un pas entre ta grosse bouche et une petite gâterie. Hey, chèque, si le chèque évite nous la flatterie. C'est ce refus des chers qui nous pousse à bâtir. On entame la discussion que si le plan est rentable. On se pose autour d'une table, on prend le temps et on en parle. Éternel recommencement, y'a pas de quiproquo. De quoi tu flippes coco? On a pigé le bistrot tôt. Ils ont toujours su extirper le fric aux pauvres. Imposer le triple 6 aux autres. Éternel recommencement, l'attaquant de l'équipe. Je me fais rare comme un charlatan crédible. J'aime le cas surtout quand ça rentre très vite. Là où tu peux disparaître comme ça rate ton crédit. Des fois on sort la tête de l'eau, des fois on se retrouve en chien. Des fois la vie est belle mais pas souvent. Pour les miennes c'est mainstream, mes farages. Néo clash mec, et rien à foutre, on écarte les barreaux de la cage. Éternel recommencement, gros c'est nos vies. Sauf que notre roue est carrée, ne tourne pas par ici. Tous les jours c'est la même. On a la haine, le disque dur est cramé, la survie dans les chaînes. Au clair de la lune, vos frères, j'opère de la brume. Ce soir, la lune est claire, faut faire de la thune. C'est le 77ème sous-sol. Mesrine, Farachnikov, Néo Clash, 9-2.